Celui qui vient d'entrer, c'est César. Police ! Oh, oh, c'est César ! Oh, monsieur Brun ! Yeah. Comment ça va ? Ça va, monsieur ? Ça va, monsieur Brun ? Qu'est-ce que vous achetez des voiles ? Ah oui, je fais choix d'une voilure pour mon bateau. Vous avez acheté un bateau ? Eh oui, j'ai acheté le Pitalugue, sur les conseils de maître Panis. Ouais. Le Pitalugue ? Le grand canot blanc à Toulon, comme ça, là ? Oui, vous le connaissez ? Ah, oh, ben je comprends que je le connais, mais tout le monde le connaît ici. Allons, César ! Comment tu l'as pas averti ? Mais de quoi ? Non, écoutez, monsieur Brun, j'ai peut-être oublié de vous dire qu'il est un peu jaloux. César est jaloux ? Non, le bateau est jaloux. Ça veut dire qu'il penche facilement sur le côté, vous comprenez ? Et il penche fortement ? Ah non, monsieur Brun, non. C'est-à-dire que quand on monte dessus, ben il chavire. Oh, mais c'est pas un tour complet. Sitôt qu'il a la quille en l'air, vous êtes tranquille, vous risquez plus rien. Mais dites donc, ça lui arrive souvent ? Mais non, monsieur Brun, mais non. C'est-à-dire qu'il est connu pour ça depuis ici jusqu'à la Madrague. On l'appelle le sous-marin. Vous plaisantez ? Oui, naturellement qu'il plaisante. Alors vous prétendez que dès que je mettrai le pied dessus, ce bateau va chavirer ? C'est probable, mais c'est pas sûr. Exact, voyons. Pourquoi ce bateau chavirerait-il systématiquement ? Monsieur Brun, ce bateau, il a une hélice trop grosse pour lui. Elle prend trop d'or. Alors si vous poussez la vitesse, au lieu que ce soit l'hélice qui tourne, c'est le bateau, il se devire. Mon cher César, tes plaisanteries sont ridicules. Ce bateau-là, M. Brun, ne l'a pas fait faire sur commande. Il ne l'a pas payé au prix d'un canon inchavirable. Il a payé 1500 francs. C'est une occasion. Vous ne trouvez pas qu'à ce prix-là, même avec les défauts, ce soit une belle occasion? Oui, c'est une belle occasion de se noyer. Parvenant, Félix, vous connaissez pas bien ce bateau et c'est vous qui me l'avez fait acheter. Oui. Franchement, est-ce que ce bateau chavire? Mais mon cher Monsieur Brun, mais tout chavire dans la nature. Et naturellement, surtout les bateaux. Ouais, surtout celui-là, alors. Vous garantir que le Pitalugue ne chavirera jamais, je ne le peux pas. Oh, que non. Mais ce sont les risques de la navigation. Si vous voulez aller sur la mer sans aucun risque de chavirer, alors n'achetez pas un bateau, achetez une île. Tenez, achetez le château d'If. Et Panis vous fera les voiles. Alors on vous a bien embarqué, vous savez. Mon cher César, on ne m'a pas embarqué du tout. Depuis un quart d'heure, vous essayez de me mettre en boîte, eh bien, permettez-moi de vous dire que ça ne prend pas. Bravo! D'ailleurs, pour couper court à toutes ces galéjades, je m'en vais l'essayer immédiatement, je m'en vais le sortir du port. Le chauffeur d'escarte-figue se glisse dans le magasin. Dis donc, phénomène, veux-tu venir avec moi essayer le Pitalugue? Je veux bien, monsieur Brun. Mais d'après ce que vient de dire monsieur César, ça sera 5 francs. Et soit, ce sera 5 francs. Et vous, Panis, vous nous accompagnez? Ah, écoutez, je voudrais bien, mais je ne peux pas. Hein. Pas si bête. Ce serait avec le plus grand plaisir, mais nous travaillons, nous autres. Monsieur Brun se dirige vers la porte d'un pas décidé. Oh, 105. Panis saisit vivement une bouée de sauvetage et court après lui. Monsieur Brun! Monsieur Brun! Attendez! Attendez, monsieur Brun! Tenez, emportez tout de même une bouée, allez. Oh, je sais bien que vous en servirez pas, mais ça ne va pas vous faire de mal, hein. Je suis d'ailleurs bien tranquille, car je sais ce que c'est qu'un bateau. Je suis un connaisseur de bateaux. Ah, vous en avez tout l'air. J'ai vu ce bateau-là, je l'ai examiné et je l'ai jugé. C'est un excellent bateau. D'après sa ligne, sa coupe et son gabarit, ce bateau-là ne peut pas chavirer. Bravo! Oui, il ne chavirera pas. Et pourtant, je vais faire tout mon possible pour le faire chavirer. Oh, écoutez, monsieur Brun, ne forcez pas votre possible, allez, ça se fera tout seul. Vous savez nager, monsieur Brun? Non. Hein? Non. Alors, adieu. Comment, adieu? Ben, nous nous reverrons au ciel. Monsieur Brun prend par l'épaule le chauffeur inquiet. À nous deux!